dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Peter. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer, de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN. L'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Quelles sont les promesses de la science dans le domaine de la santé? La médecine personnalisée est presque pour demain. Les progrès en génomique offrent des perspectives très prometteuses. De quoi s'agit-il? De repérer les anomalies génétiques au cœur de l'ADN pour mieux soigner. En France, la démocratisation du séquençage du génome humain ouvre la voie à cette médecine personnalisée avec des diagnostics et des traitements médicaux adaptés au profil génétique de chacun. Jean-François Deleuze, directeur du Centre national de recherche en génomique humaine au CEA, est biologiste et généticien et il va nous raconter cette médecine du futur. Le Centre national de recherche en génomique humaine est un des plus grands centres européens du domaine. La médecine personnalisée n'est pas pour tout le monde et ce n'est pas pour tout de suite. Elle concerne pour le moment essentiellement les cancers du sein, mais de nombreux autres cancers pourront bientôt être traités de cette façon. Les aventuriers sur France Inter. La médecine génomique, c'est l'utilisation en fait de l'information qu'on a dans notre ADN pour permettre effectivement demain d'être mieux diagnostiqué, d'être mieux traité. Qu'est-ce que ça va permettre, être mieux diagnostiqué, mieux traité, mais ça va permettre aussi de réduire les coûts? Alors effectivement, la médecine du futur, elle répond à différents enjeux. Le premier, c'est effectivement l'enjeu des coûts de santé qui explosent et ça, c'est plus effectivement aujourd'hui acceptable, en tout cas dans n'importe quelle société. Économiquement, c'est pas viable. Ça répond aussi aux exigences de problèmes d'efficacité et de toxicité des médicaments. On peut avoir, en tout cas, prétendument la même maladie et en fait ne pas répondre à un même médicament. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose de bizarre et c'est la spécificité de chaque individu qui est responsable effectivement de ces différences. Et le troisième axe qui effectivement va permettre le développement de cette médecine du futur, c'est toutes les évolutions technologiques, qu'elles soient le séquençage de l'ADN, mais aussi les objets connectés, etc. Donc il y a des besoins économiques, des besoins médicaux et l'émergence de technologies dont le numérique par exemple, qui font le lit de cette médecine de demain, médecine du futur. Alors on en attend beaucoup, mais elle n'est pas arrivée par hasard. C'est la suite d'une longue histoire qui a commencé avec la découverte de l'ADN. Alors si on s'en tient à l'aspect médecine génomique de la médecine du futur, qui est le domaine que je connais un peu plus, effectivement, c'est même avant la découverte de l'ADN, c'est un peu la découverte de la génétique. C'était la découverte qu'on était différents les uns des autres. Et on est différents physiquement, on est différents dans nos poids, dans nos tailles, dans nos couleurs d'yeux par exemple, mais on est aussi différents devant les maladies qu'on va avoir. Et depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, on a compris que notre ADN, nos chromosomes, étaient porteurs d'une information qui était responsable en partie au moins de ces différences. 28 décembre 1962, télévision française, le biologiste Jean Rostand parle de l'ADN. Eh bien, on peut dire que le DNA, c'est ce qui est le plus important dans le monde. Le DNA de Pierre n'est pas le DNA de Jacques, qui n'est pas le DNA de Paul. Le DNA est aussi le siège de l'hérédité. Nous ressemblons à nos parents parce que nous recevons des molécules. Nous recevons un paquet de molécules de DNA et de la mère et du père. Ce DNA peut être normal, il peut être anormal, d'où l'importance considérable du DNA pour la médecine. Tout un chapitre de la médecine n'est en somme que l'étude des défectuosités du DNA. On l'appelle d'ailleurs la médecine moléculaire. On peut donc espérer que cette étude du DNA pourra vous conduire à mieux connaître ce qu'on peut appeler le secret de la vie. Alors, est-ce qu'il avait raison, Jean Rostand, en 1962? Alors, il avait raison. Alors, est-ce que c'est la chose la plus importante? C'est une chose importante. Je pense qu'on est revenu un petit peu sur le rôle unique de l'ADN. On se rend compte, d'abord, DNA et ADN, c'est la même chose. Hein. ADN, c'est pour acide désoxyribonucléique. DNA, c'est la forme anglaise du mot ADN. Donc, on parle bien de la même chose. Il avait raison, effectivement, c'est la molécule qu'on a coutume d'appeler la molécule de la vie. Et effectivement, tout ce qu'il décrit sur les altérations, et c'est joli d'ailleurs d'entendre défectuosité. Il y a longtemps que j'avais pas entendu ce mot-là. Et la raison, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des mutations. Effectivement, ces altérations, ces mutations, ces différences qu'on a entre individus sont responsables, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'énormes nombreuses différences qui même qui sont très apparentes, notre physique, notre poids, notre taille, mais aussi de nos maladies, et mieux les comprendre, c'est effectivement mieux, encore une fois, comprendre pourquoi on est malade et comment est-ce qu'on devrait être traité. Alors, les autres grandes étapes de la médecine génomique ? Quand Rostand a dit ça, le séquençage de l'ADN n'était pas démocratisé comme il est aujourd'hui et il n'existait même pas. Il avait le prix Nobel de Frédéric Sanger, qui a eu le premier prix Nobel dans les années 70 pour le séquençage, n'existait pas. Donc c'était assez visionnaire, mais on savait pas comment on allait utiliser l'ADN. Et donc il y a eu deux prix Nobel par ce biochimiste anglais Sanger, donc qui a d'ailleurs donné son nom à la méthode de séquençage de l'ADN, pas celle d'aujourd'hui, mais celle de la première. Donc, on appelait ça la méthode de Sanger. Donc, il a inventé une méthode c'est un chimiste biochimiste. Il a inventé une méthode assez simple pour justement séquencer l'ADN, c'est-à-dire caractériser l'ensemble des éléments qui constituent nos chromosomes de façon assez rapide. Mais dans les années 80 à 2000, il fallait imaginer que c'était des centaines de millions, voire des milliards, qu'on parle en euros ou en dollars, qui ont été nécessaires pour effectivement finaliser le séquençage d'une seule personne. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, la miniaturisation, le haut débit, on est capable de séquencer en quelques jours et pour quelques centaines d'euros un individu. Quand on séquence, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on peut lire derrière ? Alors notre ADN, il faut imaginer que c'est un... Alors certains représentent ça comme un livre avec des pages, d'autres représentent ça comme un collier avec des perles. Mmh. Si vous prenez l'image du collier avec des perles, il y a 3 milliards de perles. Et en fait, il y a 4 unités, 4 perles différentes, une qui s'appelle A, l'autre T, l'autre C, l'autre G. Mais c'est leur enchaînement qui, effectivement, est très critique. Et séquencer l'ADN, c'est déterminer l'enchaînement précis de ces 4 perles pour les 3 milliards de perles qui composent notre ADN. Et ça se lit facilement après ? Ça se lit facilement parce que Fred Sanger était un génie et que justement il a posé les bases du séquençage. Donc ça se lit. Alors on a un premier code, on a un premier alphabet qu'on arrive à lire et après il faut le décrypter parce qu'en fait il y a un code dans le code et au-delà justement de cet enchaînement ATGC de ces 4 perles, ces lettres peuvent former effectivement des mots encore plus complexes. C'est comme si c'était un alphabet et ces mots plus complexes sont ce qu'on appelle des gènes et on en connaît 25 000. Donc voyez, on convertit en fait 3 milliards de perles en 25 000 superstructures qu'on appelle des gènes, qui sont en fait les éléments qui font l'activité de nos cellules. Autre étape importante, le système HLA. Ça, c'est les années 80, c'est ça ? Ça, c'est tout le travail fait par notre prix Nobel des années 80, le professeur Jean Dossé. Donc Jean Dossé a découvert que quand on greffait de la peau sur des individus, certaines greffes prenaient et d'autres ne prenaient pas. Et donc, en fait, la peau mourait, devenait nécrotique. Et en fait, il a réussi, ce qui a été génial dans sa découverte, c'est qu'il a réussi à comprendre qu'il y avait des déterminants individuels qui permettaient la prise ou pas du rejet de la greffe. 10 octobre 1980, France 2, le prix Nobel de médecine pour la découverte du système HLA. L'équipe du professeur Dossé a contribué de façon primordiale à comprendre les raisons de l'échec des greffes et surtout comment le contourner, au moins en partie. Elle a montré qu'il existe sur chacune de nos cellules des marques d'identité, des sortes d'empreintes digitales qui font qu'à l'exception des jumeaux vrais qui, issus du même œuf, sont rigoureusement pareils, tous les hommes sont différents, mais que certains se ressemblent plus que d'autres. Et le professeur Dossé a contribué à la découverte du système dit HLA, établi à partir d'analyses de globules blancs et qui a permis l'analyse intime de ces marques d'identité. Le premier objectif a été la prise des greffes d'organes en permettant d'apparier des donneurs et des receveurs qui, non identiques, se ressemblaient assez, avaient des groupes tissulaires, pour employer le mot technique, suffisamment compatibles pour que la greffe puisse être possible. 39 ans après, est-ce que c'est toujours juste ? Alors c'est non seulement juste, mais ce que Jean Dossé a dit. Moi, je suis très ému d'ailleurs d'entendre ce petit reportage sur Jean Dossé, parce que je travaille effectivement dans la fondation qu'il a créée il y a maintenant quelques dizaines d'années. Et non seulement c'est juste ce qui a été dit, mais c'était extrêmement visionnaire parce que il a compris à travers le système HLA qu'il avait besoin d'avoir en fait une ressemblance entre un donneur et un receveur au niveau de la greffe. Et en fait, ce qu'il a aussi compris derrière, c'est que c'était probablement sur des bases génétiques et que ça pouvait se multiplier et ne pas être uniquement une question d'importance pour la greffe, mais aussi pour la médecine en général. Alors vous dites que vous êtes ému par ce reportage sur Jean Dossé, mais plus que ça, vous occupez aujourd'hui son bureau. Oui, alors effectivement, depuis quelques mois, j'ai même la fierté, c'est pour ça que je suis ému effectivement de me retrouver dans le bureau de Jean Dossé, donc à la Fondation Jean Dossé qui est près de l'hôpital Saint-Louis, où il y a effectivement encore toute sa bibliothèque, probablement une des plus grandes bibliothèques possibles sur HLA depuis les années 60, et où on voit l'internationalité de son travail, parce qu'il y a des documents en chinois, en roumain, en anglais, en espagnol, en français, et encore effectivement quelques traces de son passage à la fondation Jean Dausset, absolument. 19 mai 1981, FR3, Jean Dausset parle de la médecine personnalisée. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est une médecine préventive personnalisée, c'est-à-dire adaptée à chacun des individus. En effet, nous avons montré qu'il existait des groupes tissulaires qui sont très divers et chacun de nous appartient à un certain groupe. Et du fait qu'on appartient à un certain groupe, on a une certaine susceptibilité pour certaines maladies. Donc on peut dans la population dépister les individus les plus susceptibles de contracter telle ou telle maladie. Et donc, on peut mettre en œuvre une médecine préventive personnalisée. Il y a 38 ans déjà, on parlait de médecine personnalisée. Alors, est-ce que c'était une juste vision ? C'était une très juste vision et je crois que l'exemple de la greffe est un exemple qui est très facile à faire comprendre aux gens, de l'importance effectivement de cette ressemblance entre le greffon qu'ils vont recevoir, si ce sont des gens qui sont susceptibles de recevoir une greffe, et eux-mêmes. Et je pense que dans les messages qu'on aura à passer à la société civile sur l'importance de se faire séquencer, cette greffe, et aussi la transfusion sanguine, qui est un autre exemple, c'est quelque chose qui va vraiment parler aux gens. Aujourd'hui, personne n'accepterait de se faire transfuser du sang. Sa première réaction serait été « mais est-ce que vous connaissez déjà le mien pour que je reçoive le bon ?» Et en fait, la première chose qu'on fait quand on vous donne du sang, on vérifie effectivement la compatibilité entre votre sang et celui effectivement de la poche qui va vous être administrée. Et ça, c'est aussi un autre exemple de la médecine personnalisée. Il y a 20 ans, dans les années 2000, on mettait beaucoup d'espoir dans la médecine personnalisée. On a entendu des messages incroyables. Est-ce que ces messages se sont révélés exacts ? Alors, il y a eu beaucoup d'espoir et il y a eu beaucoup d'espoir qui ont été mis dans le séquençage de l'ADN humain. Et le séquençage a considéré être fini, donc c'est-à-dire en fait un individu entier a été séquencé dans les années 2000-2003. Suite à ça, on s'est dit on va comprendre très rapidement quels sont les gènes et on va en déduire plus facilement effectivement qu'il n'est apparu les raisons des maladies. En fait, les choses sont un petit peu plus compliquées comme toujours que ça. Donc, la découverte du génome humain, enfin le séquençage du génome humain, ça a été un élan énorme. Il a fallu très sincèrement un peu aussi politiquement, probablement un peu peut-être forcer le trait, forcer les annonces pour obtenir l'argent qui est nécessaire pour avancer et comprendre le génome humain. On comprend aujourd'hui l'essentiel des gènes, pas la totalité du génome humain. On n'a quand même pas aujourd'hui mis un gène sur toutes les maladies, malheureusement, dont les gens peuvent souffrir, que ça soit le cancer, les maladies rares ou les maladies communes. Mais énormément de progrès ont été faits. Mais la marche est encore assez longue, honnêtement. On écoute Dominique A. Beau Rivage. À Beau Rivage auront perdu beaucoup de temps, égarés dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment, auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu par temps clair. Sur Beau Rivage nous échouerons, avant qu'on voit tes mondes meilleurs, à force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures, avons révoqué la douceur sur des chemins de roses enfouies. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à Beau Rivage, endroit parfait qui nous attend, auront perdu beaucoup de temps par d'autres lieux pris en otage, auront connu en solitaire les teintes de tant d'horizons, sans l'avoir prévu par temps clair. Sur Beau Rivage nous échouerons. Nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées, à travers l'un des marécages, sans chemin avons repoussé, essuyant des larmes d'orage, au fond de vallées dépeuplées. Nous échouerons à Beau Rivage, l'endroit avons perdu beaucoup de temps, avons écumé toutes les terres, vendangé toutes les illusions, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage nous échouerons. Personnalisée est porteuse de grands espoirs car elle devrait permettre de mieux diagnostiquer les maladies et de mieux cibler les soins. Grâce au séquençage, on peut déjà faire état de quelques guérisons spectaculaires. Pour Jean-François Deleuze, directeur du Centre national de recherche en génomique humaine, la médecine personnalisée permet déjà, et depuis des décennies, d'éviter les accidents thérapeutiques. Alors la médecine personnalisée dont on parle aujourd'hui, essentiellement basée sur l'ADN, c'est quand même la poursuite de ce qu'on faisait déjà depuis des dizaines d'années, aussi bien avec la greffe, où on apparie le greffon au donneur, aussi bien que la transfusion sanguine, alors là que tout le monde peut comprendre, parce que tout le monde a son groupe sanguin et ne serait pas très content de recevoir une transfusion un jour qui n'est pas compatible avec son propre groupe sanguin. 18 novembre 1950, Radio-Télévision française. La transfusion sanguine pour les nuls, par Pierre Dumayet. 1901, découverte par Landsteiner de la présence dans le sang d'agglutinine et d'isoagglutinine. Le sang d'un être humain n'est pas toujours compatible avec celui d'un autre être humain. S'il y a compatibilité entre le sang du receveur et celui du donneur, tout va bien. Mais s'il y a incompatibilité, le plasma du receveur agglutine et détruit les globules rouges du donneur. Le choc hémolytique qui faisait de la transfusion une méthode thérapeutique dangereuse ne pouvait être évité avant la découverte des groupes sanguins. Vous êtes du groupe AB, mademoiselle. Oui, monsieur. Mon plasma n'agglutine les globules rouges d'aucun des trois autres groupes. Mais je ne peux donner mon sang qu'à des sujets de mon propre groupe. Et vous, monsieur, vous êtes du groupe A. Oui. Quel sang pouvez-vous recevoir? Ceux du groupe A et 0. Et à qui pouvez-vous donner votre sang? Je ne peux hélas le donner qu'aux malades du groupe A et AB. Mais je ne suis pas seul dans mon cas. 43% des Français sont du groupe A. Pas mal vu, non? Oui, effectivement, c'est intéressant, ce sang un peu historique. C'était la transfusion sanguine pour les nuls par Pierre Dumayet en 1950. Donc. Alors aujourd'hui, avec le séquençage du génome, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Alors le séquençage aujourd'hui alors permettrait aussi, hein, même sans faire les tests d'agglutinine, effectivement, d'identifier le groupe sanguin de l'individu à travers son ADN. Mais bon, c'est pas la peine non plus de séquencer pour séquencer si on est capable d'avoir des tests aussi fiables et pas forcément qui vont demander beaucoup d'argent de séquençage. Mais en fait, le séquençage permet d'étendre cette vision qu'on a ou ce que les gens connaissent au niveau de la transfusion sanguine à des maladies, à plein de maladies. Des exemples dans les maladies rares, les maladies communes et le cancer. Donc la première chose, c'est de mieux diagnostiquer les maladies. Et mieux diagnostiquer veut dire mieux identifier des groupes de patients qui, au premier abord, pourraient présenter la même maladie. Et en fait, la maladie se présente, le tableau clinique est peut-être un peu semblable, mais la cause pour laquelle ils ont cette maladie est différente. Et c'est ce qui expliquerait qu'effectivement, alors qu'ils ont une maladie qui se ressemble, les traitements qu'ils vont recevoir, qui vont en première intention être le même, vont marcher simplement chez certains et pas chez d'autres. Donc un meilleur diagnostic va permettre de faire des groupes de patients et de leur indiquer, alors c'est pas systématique, mais des thérapeutiques différentes. Donc on a la même maladie, on n'a pas la même cause de cette maladie et on pourrait effectivement avoir besoin de médicaments différents. Donc c'est déjà utilisé aujourd'hui? Alors c'est déjà utilisé aujourd'hui, c'est pas utilisé dans beaucoup de maladies. Ça a permis de faire des avancées majeures dans les maladies rares, hein, des maladies souvent effectivement de formes, c'est les enfants qui sont touchés. Donc des parents viennent avec un enfant qui va avoir une dysmorphie, qui va avoir un retard à la marche, qui va avoir un retard à la parole, qui va avoir des problèmes de muscles. Et en fait, il y a plein de ce qu'on appelle de signes cliniques qui s'accumulent et on n'est pas capable de trouver une raison motivée moléculaire, une raison génétique derrière ces expressions de la maladie. Donc, est-ce que c'est le muscle qui va pas? Est-ce que c'est un problème de parole? Est-ce que c'est un problème de retard mental? Et encore une fois, trouver donc une base moléculaire permet encore une fois de mettre l'enfant dans une catégorie et peut-être effectivement de lui proposer un suivi thérapeutique particulier. Mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans l'exemple? Des parents viennent avec un enfant et là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez son sang? Alors, chez les petits enfants, selon leur âge et leur état de santé, on peut travailler sur du sang, on peut travailler sur de la salive, qui est moins brutale pour un petit enfant qui a peur de la seringue. Et en fait, on prend quelques millilitres de sang ou de salive. En quelques heures, on est capable d'en extraire l'ADN. Et en quelques jours, on est capable de faire le séquençage de l'ADN de l'enfant. Et ensuite, le diagnostic est très rapide? Alors, le diagnostic n'est pas très rapide, parce qu'en fait, le séquençage, c'est seulement la première étape. On a toute une étape dont les gens parlent pas beaucoup, qui est l'étape d'analyse qui doit effectivement regarder ces 3 milliards de lettres dont on a parlé tout à l'heure, mais qui doit retrouver tous les gènes et surtout les anomalies. Donc en fait, dans un cas très particulier d'un enfant, d'un couple avec enfant qui vient, s'il n'y a pas d'histoire familiale, s'il n'y a pas d'exemple de frère, de sœur, de cousin, de grand-mère, on va rechercher quelque chose que l'enfant a dans son ADN et que ses parents n'ont pas. Donc quelque chose qui serait apparu chez l'enfant et que ses parents n'ont pas. Donc ça nous permet quand même de trier beaucoup et donc de limiter le nombre de différences qu'il y a entre un enfant et ses parents, et de regarder si c'est au niveau de ces différences que se trouvent les raisons génétiques de la maladie de l'enfant. C'est donc une aide au diagnostic pour les maladies rares. D'autres exemples, avez parlé du cancer. Alors, dans les maladies rares, effectivement, vous avez raison. Malheureusement, aujourd'hui, on a assez peu de traitements, mais il y a quand même quelques exemples assez révolutionnaires, assez rares, mais frappants. Et je reviendrai après sur le cancer. Pour les gens qui s'en souviennent, il y a cette très jolie histoire d'une jeune fille de 18 ans qui a été présentée comme probablement une des héroïnes du Téléthon 2017, qui est une jeune fille qui a envie de vivre sa vie de femme et qui a peut-être myopathie. Donc elle est dans un fauteuil, on ne sait pas trop ce qu'elle a. Elle n'est pas gravement atteinte, mais elle ne marche pas. Et en fait, elle se refait séquencer. Elle a déjà été séquencée une première fois, il y a quelques années. Et en fait, il n'y a pas eu de résultat très probant. En tout cas, ça n'a pas changé sa vie. Et elle se refait séquencer quelques années après. Et là, grâce à ce deuxième séquençage, on identifie une altération génétique. Donc, une modification sur une de ces 3 10 puissance 9, donc 3 milliards de lettres. Et dans un gène, en plus, qui est connu. Et pour lequel il y a un traitement qui existe. Mais pas du tout pour cette maladie. Il y a un traitement qui existe pour l'asthme. Et cette jeune fille, depuis, prend un sirop, qui s'appelle à base de salbutamol, qui est quelque chose qui est donné pour les asthmatiques, parce qu'on a identifié le gène qui, à la fois, est responsable de sa maladie et qui, en plus, par chance pour elle, c'est extrêmement rare, a une molécule qui existe dans les pharmacies qui marche effectivement avec ce gène en particulier. Et donc elle prend une cuillère de sirop, elle remarche. Alors je la connais pas personnellement, mais elle remarche. Son fauteuil, c'est une ancienne histoire, et elle remarche. Donc il y a quelques exemples comme ça dans le monde. Il y en a, c'est pas le seul. Donc non seulement on peut diagnostiquer, mais dans des cas, on peut aussi proposer un traitement. Et ce qui est joli dans cette histoire, c'est que c'était pas un traitement qui était prévu pour cette maladie, c'est un traitement qui était prévu pour autre chose. Dans le cas du cancer, on est à la fois dans le diagnostic, mais on est dans le monde de ce qu'on a appelé les thérapies ciblées. On est capable, quand on prend la tumeur d'un individu, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, dans le cancer du sein, c'est probablement les exemples les plus connus dans les années 80, on est capable d'identifier quelle est l'altération génétique qui est la cause de la progression tumorale, qui est la cause de cette croissance anarchique des cellules qui crée la tumeur. Et en fait, la solution, c'est d'annuler cette altération, c'est d'essayer de l'inhiber, c'est d'essayer de l'arrêter. Donc c'est dans ce sens-là qu'on appelle une thérapie ciblée. Les thérapies cancéreuses, avant cette connaissance du génome, ont donné aux gens ce qu'on appelle des chimiothérapies. Et la chimiothérapie, le principe, c'est de détruire toutes les cellules qui sont en croissance, en train de se diviser. Mais on a plein de cellules dans l'organe qui se divisent, de façon, et dont on a besoin qu'ils se divisent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'effets toxiques avec ces chimiothérapies. Non seulement on arrête la croissance tumorale, mais malheureusement, les effets toxiques viennent du fait aussi qu'on arrête la croissance des autres cellules dont on a besoin qu'elles se divisent. Glandes mammaires, myomètre utérin, pour les femmes, avec les cycles menstruels, etc. Et quand il faut effectivement que le myomètre se régénère, pareil pour la lactation, etc. Donc il y a pas mal d'exemples. Et ces thérapies ciblées, justement, qui ne touchent que les altérations tumorales, effectivement, sont moins toxiques. Il faut au préalable, par contre, avoir séquencé la tumeur de l'individu. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des thérapies ciblées qui marchent? Alors, il y a une quinzaine de thérapies ciblées qui ont reçu des autorisations de vente sur le marché, de mise sur le marché par la Haute Autorité de Santé, que vous pouvez trouver en allant consulter le site de l'Institut National du Cancer. Une des plus connues, c'est une thérapie qui s'appelle l'herceptine, qui est un anticorps qui reconnaît un gène particulier qui s'appelle HER2. Excusez-moi, c'est un peu barbare, ouais. Mais un gène dont on sait qu'il marche de façon anarchique dans les tumeurs du sein de certaines femmes. dirigez le Centre national de recherche en génomique humaine. Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors dans ce centre, on essaye de faire, à l'échelle de la population des malades, cette découverte de nouveaux gènes. Donc on veut vraiment, notre mission principale, c'est de développer les meilleures technologies au meilleur coût, parce que tout ça coûte cher, pour essayer d'identifier le plus possible de gènes responsables de maladies, pour encore une fois avoir un catalogue. Et quand un patient demain verra, un médecin verra un patient, il a ce catalogue de gènes et c'est pour une aide au diagnostic et au traitement. Donc vous établissez le catalogue en fait, c'est ça ? On participe à l'établissement de ce catalogue. Ce catalogue, il est établi au niveau mondial. Et en fait, chaque pays essaye, en participe en fournissant effectivement quelques associations entre gènes et maladies. Donc on a découvert dans les 10 dernières années de nombreux gènes responsables, en tout cas impliqués dans des maladies, que ça soit l'Alzheimer, ça peut être des maladies psychiatriques, le cancer ou des maladies rares. Et en fait, on publie toutes ces découvertes dans des journaux scientifiques où tous les scientifiques du monde publient ces découvertes et ça participe à l'établissement de ce catalogue entre maladies et gènes qui en sont responsables. Mais qu'est-ce qu'il y a au CNRJH ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des ordinateurs, il y a quoi ? Alors au CNRJH, vous avez en fait des gros congélateurs avec énormément de tubes en plastique, avec effectivement des échantillons biologiques des patients qui sont conservés dans des endroits assez sécurisés pour respecter la vie privée et la sécurité des données génétiques du patient. La deuxième chose qu'on a, c'est des grosses machines. Des très très grosses machines, qu'on appelle des séquenceurs automatiques, c'est des machines qui coûtent des millions d'euros, donc on ne peut pas en avoir partout dans le pays, et elles sont essentiellement concentrées dans ce centre. Et ce sont ces machines aujourd'hui qui permettent de réaliser ce séquençage en quelques jours pour quelques milliers d'euros. Et on a des très gros ordinateurs, on a une énorme puissance de calcul, parce que en fait, pour établir des liens entre un gène et une maladie, il faut qu'on compare en fait des centaines, voire des milliers d'individus entre eux, et donc on a besoin beaucoup beaucoup de puissance d'analyse, donc des gros ordinateurs. Votre plus belle découverte, d'après vous ? Alors, j'espère qu'elle sera à venir. On a beaucoup trouvé de nouveaux gènes impliqués dans les maladies rares. On a participé avec nos recherches à des diagnostics dans les maladies comme la thrombose, dans des maladies dans certaines formes de retard mental. Donc, c'est assez gratifiant quand même pour nos équipes de recherche de participer à cette aventure, même si c'est toujours trop lent et il y a toujours trop de patients qui n'ont pas de solution. Et une chose un peu originale qu'on a faite récemment, on a établi les séquences d'environ 1000 individus de la population française pour faire une séquence contrôle de gens qui vont bien. Donc c'est pour ça qu'on appelle contrôle. Et en fait, quand quelqu'un est malade, on est capable de comparer son génome, dans lequel il y a une mutation, face à un génome de gens qui n'ont pas les mêmes maladies. Et c'est par différence, on va soustraire effectivement ce qui est malade et peut-être trouver l'identification de la cause de la maladie chez le malade. Donc cette base, elle est assez originale de contrôle, elle est assez patrimoniale et elle sera d'utilité pour tout un chacun en France dans le futur. Come my love, come and shine with your light on me. Come and play with the chimes in the belfry. Come with me and hold me in your arms. Let me feel your tenderness and your warmth. When the rain is falling hard and the storm is far from over, my lady love, that's you. You give me warmth in the night. You take away my sadness. Oh, my lady darling, it's true. I'll give my to you, let me show you how. Let me show you now. I long to hear your voice 'neath the night forlorn and to gaze for a while into your eyes reborn. And though my mind sometimes gets weak and cold, you remain like a song in my heart and soul. When the rain is high falling hard, and the storm is far from over. Lady love, that's you. C'était Roseau et Niemann qui chantaient Hort and Saul. Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. La médecine personnalisée suppose que les malades puissent avoir été séquencés. C'est dans ce but qu'a été lancé, il y a plus de 2 ans, le plan France Médecine Génomique 2025. 12 plateformes de séquençage sont prévues dans l'Hexagone. Elles devraient pouvoir réaliser 200 000 analyses par an. L'oncologie est le domaine le plus concerné pour le moment. Le biologiste Jean-François Deleuze pense que les maladies rares vont, grâce à cette médecine du futur, bénéficier d'une nouvelle approche. Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un stade où la science, les scientifiques, d'abord le séquençage sort des laboratoires. On n'est plus dans les laboratoires de recherche. On a accumulé des preuves qu'on est capable de diagnostiquer et de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN. L'enjeu, c'est vraiment de démocratiser l'accès à ce séquençage au sein des hôpitaux. Ça coûte combien aujourd'hui un séquençage ? Alors aujourd'hui, un séquençage complet, il y a plein de types de séquençage, mais le séquençage dans sa globalité de son génome, ça coûte entre 1 000 et 2 000 euros et ça peut être fait en quelques jours. Dans un laboratoire qui a les technicités, et je dis ça et en même temps je dis que c'est pas vrai tout de suite parce que je sais ô combien malheureusement les gens qui ont des maladies rares sont dans une errance diagnostique pas possible et qu'on leur annonce des délais de 2 ans. Donc à la fois le séquençage prend quelques jours, comment si ça prend quelques jours, peut-on attendre 2 ans pour le faire ? C'est parce qu'on n'a pas l'infrastructure en France, justement, pas encore, pour effectivement permettre de donner un accès à ceux qui en ont besoin à ce séquençage, et ça sera tout l'objet du plan de médecine génomique qui est en cours de développement. Donc ce qu'on peut vraiment attendre aujourd'hui, c'est ça, c'est installer le séquençage dans le soin, et plus dans la recherche. Ça va commencer par 2 types de pathologies, donc on va commencer à s'intéresser aux cancers et aux maladies rares, parce que ce sont dans ces axes de maladies qu'on peut penser effectivement apporter un bénéfice aux patients. Vous avez parlé de quelques maladies, mais est-ce qu'on peut imaginer faire de la médecine prédictive ? C'est-à-dire séquencer des gens qui ne sont pas malades et imaginer des maladies qu'ils pourraient avoir ? Alors, la première utilisation qu'on va faire de la médecine génomique en France, c'est vraiment de la médecine qui va s'adresser à des gens qui viennent à l'hôpital consulter parce qu'ils sont malades. On n'est pas encore aujourd'hui à l'ère de la médecine prédictive et c'est plus pour des raisons peut-être politiques et sociétales que pour des raisons techniques. On est capable effectivement de séquencer quelqu'un de normal et on sera capable dans quelques cas de lui annoncer qu'il est à risque, donc on parle de risque, hein, court terme, moyen terme ou long terme, effectivement d'avoir une maladie. Si on prend des exemples de maladies rares, malheureusement bien connues dans nos sociétés comme la mucoviscidose, on est capable de détecter dans l'ADN d'un enfant la présence d'une mutation, qui est malheureusement bien connue dans le milieu génétique. Donc, à risque. À risque, et c'est plus à risque, parce qu'elle est ce qu'on appelle très pénétrante. C'est-à-dire que la probabilité d'avoir la maladie quand on a cette mutation est quasiment de 100%. Ça, c'est vrai pour les maladies rares. C'est pas vrai pour les maladies communes. C'est pour ça qu'effectivement, qu'il y a un débat sur l'intérêt de cette prédictivité. C'est que les maladies communes sont caractérisées par l'existence d'une constellation d'altérations génétiques. Et c'est un risque qui est beaucoup, beaucoup plus faible que celui d'une maladie rare. Donc, veut-on faire supporter par des gens une probabilité qu'on n'est vraiment pas capable de peser sur ce qui pourrait peut-être advenir dans les 10 ou 50 ans? Donc, il y a un vrai débat de société et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de personnel. 18 mai 1993, FR3. Le généticien Jacques Ruffier. La médecine prédictive s'adresse à des biens portants. Elle consiste, assez tôt dans la vie, de définir notre capital santé, c'est-à-dire nos facteurs de risque, nos points de faiblesse et nos facteurs de force. La première société de médecine prédictive a été formée à Toulouse en 70, il y a donc 33 ans. Par vous ? Par moi et mes élèves. Votre équipe ? Mais nous avions à l'époque peu de moyens, et on avait uniquement les marqueurs sanguins qui permettaient de photographier une partie du patrimoine héréditaire. Ensuite, Jean Dosset a inventé les groupes HLA, les a découverts, et là on a fait un bond en avant formidable. Et ensuite, on a pu alors atteindre directement l'information génétique, le stock d'ADN, et actuellement on est en train de faire l'inventaire complet du patrimoine humain. Alors est-ce que 25 ans après, c'est toujours juste ce qu'il dit ? C'est une vision peut-être un petit peu idéaliste de la prédictivité, qui est très positive, hein. Je pense que c'est très positif ce que dit Jacques Ruffier, c'est pour le bien du patient, le bien de la médecine, le bien de la société. C'est vrai que l'extension à la totalité des maladies, on n'a pas démontré avec le génome, ça allait être simple. Donc, il faut vraiment opposer les prédispositions donc génétiques de type maladie rare dont on est sûr qu'elles vont mener effectivement à l'apparition d'une maladie. Si tenté, j'insiste, qu'on ait une solution thérapeutique à proposer. Pour les maladies communes, donc les maladies malheureusement qui touchent le plus grand nombre de patients en France, donc je parle de polyarthrite rhumatoïde, de schizophrénie, de différents types de cancers et autres, là, il est beaucoup plus difficile, avec certitude, de dire à quelqu'un « vous avez une prédisposition à faire l'Alzheimer demain ». Donc je pense qu'il faut vraiment contrebalancer les effets génétiques qu'on appelle forts, qui malheureusement impliquent quasiment de façon systématique l'apparition de la maladie, au risque populationnel duquel on n'est pas sûr. Et le deuxième point qui est important pour les gens, c'est quel est le bénéfice derrière? Est-ce qu'il y a une thérapie qu'on peut proposer à quelqu'un, donc très en amont, ou est-ce qu'il n'y a rien à proposer? Alors la médecine génomique est quand même une des médecines du futur. Est-ce qu'il y a une filière autour de tout ça? Vous avez dit que ça sortait des laboratoires de recherche. Est-ce qu'une filière industrielle, est-ce qu'une filière pharmaceutique s'est organisée autour? Alors il y a un plan national aujourd'hui qui s'est mis en branle, avec un premier document qui a été remis au gouvernement à Manuel Valls à l'époque par le professeur Yves Lévy, et qui est un plan très ambitieux justement pour installer le séquençage dans l'hôpital. Et c'est important parce que les autres plans mondiaux, le monde entier va en médecine génomique, c'est pas une spécialité de la France, les pionniers sont les Anglais, comme souvent effectivement dans ces études de population, et tous les grands pays du monde ont un plan, ont ce qu'on appelle une initiative ou un plan de médecine génomique. Le plan français a ça d'original, qui s'inscrit dans le soin, et qu'on veut faire passer le séquençage du laboratoire à l'hôpital, avec deux premières indications, le cancer et les maladies rares, parce que c'est là où on pense que le bénéfice sera le plus grand. Et en fait, ce plan est en train de se décliner. Donc, il a été absolument revalidé par le nouveau gouvernement, par Édouard Philippe, en juillet 2017. Mais il dit quoi, le plan? Alors, le plan, il propose d'installer de nombreuses plateformes de séquençage en France, dans les grands hôpitaux, et d'être capable de réaliser 200 000 analyses génétiques en France en 2025 sur des maladies rares sélectionnées et des cancers. Et où est-ce qu'on en est? Alors, on a deux premières plateformes diagnostiques qui ont été créées. Une qui est basée à Paris, en Île-de-France. Ce sont des plateformes de diagnostic, hein, ce ne sont pas des plateformes de recherche. Et une qui est basée à Lyon. Et en fait, d'autres plateformes devraient être déployées dans les années qui viennent pour permettre d'avoir une couverture et une égalité d'accès au séquençage sur tout le territoire. Mais parallèlement au séquençage, parallèlement à la découverte de ces gènes qui ne vont pas forcément bien, est-ce qu'il y a les médicaments de précision qui doivent aller avec? Ça, c'est une excellente question. C'est pour ça que je pense qu'il est important de parler des deux impacts de la médecine de génomique, c'est-à-dire le diagnostic et le traitement. Ce qui est intéressant avec la médecine de précision, c'est qu'elle, et avec la médecine génomique, c'est qu'elle elle déstructure un peu l'approche un peu organe qu'on avait de la médecine. Dans l'exemple que je vous avais donné tout à l'heure de la petite fille, de la jeune fille qui prend une molécule qui n'était pas faite pour ça, une molécule qui a été développée pour l'asthme, peut se retrouver d'intérêt pour quelqu'un qui a une myopathie. C'est incroyable. Et en fait, c'est parce qu'en fait, on revient à la cause moléculaire de la maladie. Et en fait, une molécule fonctionne, une molécule chimique, le médicament que vous prenez fonctionne parce que quand vous le prenez soit par voie orale, soit par voie sanguine, à un moment donné, ils vont rencontrer un partenaire dans votre corps. C'est pas magique, c'est très chimique. Donc, ils vont rencontrer une protéine, un récepteur, et il va y avoir une interaction physique entre cette molécule et une molécule biologique. Et c'est ça qui fait que vous allez avoir une réponse au traitement. Et en fait, bah, la molécule réceptrice du médicament, en fait, elle peut être d'intérêt dans plusieurs maladies. Et ça, on le sait pas tant qu'on n'a pas séquencé les gens. Mais que dit l'industrie pharmaceutique? Elle est derrière vous? Alors, un truc pharmaceutique qui est à la fois, je pense, très intéressé, parce qu'aujourd'hui, elle a du mal à enregistrer ses médicaments, parce qu'il faut qu'elle fasse la preuve de leur efficacité, et que si elle était capable de démontrer que les médicaments qu'ils proposent jouent sur des cibles biologiques qui sont associées aux maladies, ils auront des capacités d'enregistrement de leurs produits beaucoup plus grands. Mais ils en ont un peu peur, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il faudrait pratiquement autant de molécules qu'il y a de groupes de patients. Je pense qu'on peut pas parler aujourd'hui du patient unique. Je pense qu'il faut parler de groupes de patients qui se ressemblent et qui ont les mêmes maladies pour les mêmes raisons. Et pour reprendre une formule que vous aimez, la médecine personnalisée, c'est pas pour tout de suite et c'est pas pour tout le monde. C'est ce que vous m'avez dit une fois. C'est pas pour tout de suite parce que, enfin, moi, je suis un enfant des années 90 qui, donc, je suis né avec la génomique, j'ai commencé mes études, et donc, j'ai suivi toute l'évolution de la génomique depuis son époque où on s'était pratiquement fait dans la cuisine. À l'époque, aujourd'hui, effectivement, des séquenceurs et on fait des choses en très, très grande production, et je pense qu'il faut faire attention et que, il y a beaucoup de promesses et de grandes phrases qui ont été dites autour de l'impact que ça pourrait avoir et que, Je suis au contact de certains patients qui m'appellent parce que je suis pas médecin, mais parce que je suis, donc je fais de la génétique et je peux mesurer leur souffrance. Et je pense qu'on se doit d'une totale transparence sur, on n'a pas accepté effectivement les délais, mais on se doit d'être une totale transparence par rapport aux gens malades. Il faut pas les faire rêver. Eux, il faut être effectivement efficace et concret avec eux. Donc je suis prudent quand je dis que c'est pas pour tout le monde, c'est parce que dans le côté personnalisé, les gens imaginent qu'il y aura pour tout un chacun une médecine personnelle, pour chaque individu, donc il y aurait éventuellement 8 milliards de molécules, ce qui est techniquement, physiquement, économiquement pas faisable. Donc le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est identifier des bons groupes de patients qui se ressemblent, et ceux-là bénéficieront des mêmes traitements. Donc c'est dans ce sens-là que je suis un tout petit peu prudent sur le côté personnalisé, et dans le temps, il y a le temps politique de faire des annonces pour recruter de l'argent, et il y a le temps du patient, il faut qu'on soit honnête et transparent par rapport à l'information qu'on lui donne. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. No rincone sbagli coasa. No rincone sbagli coasa. Y'a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids quand ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part. Être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. No rincone sbagli coasa. No rincone sbagli coasa. Est-ce que les gens naissent égaux? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. No rincone sbagli coasa. No. Belle reprise de Né quelque part par Trio. Les aventuriers sur France Inter. L'avenir rêvé de la médecine personnalisée, ce sont des tests qui seront associés à des médicaments capables d'être efficaces à 100%. Jean-François Deleuze, directeur du Centre national de recherche en génomique humaine, est tout à fait conscient des problèmes éthiques et sociétaux que pose cette discipline nouvelle. Se faire séquencer, alors que l'on est bien portant, comporte des risques qui ne sont pas toujours bien évalués. Alors, il faut savoir que quand on se fait séquencer, on génère de l'information pour ses parents et ses enfants. Et oui. Qui n'ont pas forcément le même âge, qui ne sont pas forcément malades à ce moment-là et qui n'ont pas forcément envie de savoir qu'ils ont des prédispositions génétiques pour lesquelles il n'y a pas de solution. Donc en fait, le séquençage, c'est jamais anodin de se faire séquencer. Et dans la période de nos vies, on aura la période pré-maladie et post-maladie. Quand on n'est pas malade, se séquencer, c'est prendre un risque de découvrir quelque chose pour lequel il n'y ait pas d'action positive faisable. Donc il faut bien réfléchir. Et quand on est malade, par contre, la même personne le lendemain, à partir du moment où elle est malade, le séquençage, elle le voit comme quelque chose qui peut lui bénéficier, parce qu'elle pourrait être mieux traitée. Mais il faudrait qu'elle le fasse quand même un peu en concertation, en discussion, qu'elle comprenne au moins les enjeux au niveau du consentement éclairé que ça peut représenter pour sa famille et ses proches. Donc on peut se faire séquencer et ne pas divulguer les informations, par exemple. Alors je pense qu'il y a des... Je ne suis pas un expert du domaine. Je pense que dans le cas du cancer du sein, très précisément, il y a des mutations qui sont connues. La fameuse mutation d'Angelina Jolie, BRCA1. Donc c'est un gène, hein, BRCA, ça veut dire breast cancer en anglais, donc cancer du sein. Donc le nom du gène est directement lié à la maladie. Et en France, je crois que quand une femme est diagnostiquée avec cette mutation constitutionnelle, c'est-à-dire elle porte dans ses gènes cette mutation, elle peut la transmettre, elle a l'obligation de le dire à sa descendance. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel il y a une solution potentielle, même si elle est brutale, qui peut être effectivement l'ablation du sein. Vous travaillez dans un centre où on fait du séquençage. Est-ce que vous vous êtes séquencé vous-même ? Alors moi, je ne suis pas séquencé. Alors d'abord, je n'ai pas le droit. D'abord parce qu'aujourd'hui, je touche du bois, je ne suis pas malade. Et aujourd'hui, on ne peut pas se faire séquencer en France sans prescription médicale et sans encadrement. Donc c'est interdit. C'est même pénalement poursuivable de plusieurs milliers d'euros, etc. Donc on ne peut pas. Il n'y a pas de société en France qui ont le droit de séquencer directement des individus dans un contact direct entre un individu et leur société. Se faire séquencer via des sociétés aux États-Unis, par exemple, c'est possible aujourd'hui? Il suffit de s'inscrire sur Internet, d'envoyer un peu de salive? Oui. Alors, on n'a pas parlé de ça, mais il y a un séquençage un peu ludique. Oui. Il n'y a pas que le séquençage pour les maladies. Il y a du séquençage qu'on appelle ludique ou récréatif, où des gens se séquencent pour essayer de retrouver des liens de parenté avec des gens dans le monde. Mm-hmm. Il y a des histoires assez rigolotes où on peut se retrouver, à partir du moment où vous allez partager plus de X% de votre génome avec quelqu'un, vous êtes probablement en parenté avec lui. Et des gens comme ça se sont découverts, des parents aux États-Unis, etc. Alors certains ont cherché des Rockefeller pour essayer d'avoir une partie de l'héritage. D'autres veulent simplement, effectivement, reconstituer l'histoire de leur famille. Moi, et ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ça, effectivement, c'est quelque chose que je pourrais avoir intérêt à faire, mais je me méfierais quand même parce que dans ces sociétés qui font ça, on ne sait jamais exactement quelles sont les qualités des entrepôts de données qu'ils vont avoir et quelles sont les garanties que vos données soient conservées de façon la plus sécurisée possible. Quelles sont les dérives possibles encore dans le domaine de l'hérédité, une femme enceinte qui se fait tester, est-ce que ça pose un problème pour vous ? Alors les dérives éthiques les plus peut-être évidentes, c'est les dérives où les gens seraient discriminés dans l'accès à certaines professions ou à certaines activités parce que quelqu'un aurait divulgué qu'ils aient des mutations dans leur génome qui seraient contre le fait effectivement d'exercer cette profession ou autre. Donc ça, c'est les dérives hautes, c'est aussi les dérives assurantielles. On s'était dit, si l'assurance demain mettait les mains sur les caractéristiques génétiques d'individus, elle pourrait créer des polices d'assurance qui seraient très différentes selon notre patrimoine génétique, qui est une loterie. Donc ça, ce sont les dérives principales auxquelles on peut penser. 1985, France 2, journal télévisé. Dans le sang de l'homme et dans ses globules blancs se trouve inscrit tout son matériel héréditaire, mais il est actuellement impossible de le déchiffrer. Cependant, certains progrès biochimiques permettent déjà, ça ou là, de détecter quelques défauts génétiques et de pouvoir, à partir de tests sanguins ou cellulaires, informer utilement des couples qui craignent de concevoir des enfants pour cause d'hérédité familiale. Les progrès des techniques vont permettre prochainement d'aller plus loin et d'aller en quelque sorte à la pêche aux gènes heureux ou malheureux. Selon le groupe tissulaire auquel on appartient, on aurait statistiquement plus ou moins de risques d'avoir ou de ne pas avoir une certaine forme de diabète, des allergies, une sclérose en plaques ou une spondylarthrite ankylosante. C'est ce que l'on appelle de la médecine prédictive. Cette forme de diagnostic n'en est encore qu'à ses tout débuts. Mais c'est à la fois un progrès et une menace pour l'avenir et c'est pourquoi il faut y réfléchir dès maintenant. Si l'on y prend garde, cela peut empêcher un mariage à l'occasion d'un examen prénuptial, un emploi lors d'un examen d'embauche. Cela peut aussi augmenter une prime d'assurance. Mais à l'inverse, la prédiction d'une allergie peut-être un jour sauver un patient en risque d'anesthésie. Ces questions sont toujours d'actualité ? Absolument, je retrouve mes deux exemples, hein, et je ne savais pas ce que vous alliez passer. Donc c'est absolument d'actualité. Je pense qu'il y a un côté très positif. La prévention de l'allergie, c'est quelque chose d'évidemment très très facile. Si on était capable de détecter la prédisposition, par exemple, à la cacahuète, hein, qui peut effectivement provoquer des chocs anaphylactiques mortels, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer qui est rentable pour un individu. Éviter de manger des cacahuètes, c'est facile, c'est un comportement facile. Le problème, c'est qu'il est assez difficile de regarder ça. D'abord, premièrement, on ne sait pas quels sont les déterminants de l'allergie à la cacahuète exactement aujourd'hui, et que donc il faut qu'on séquence la totalité du génome, peut-être pour avoir uniquement une réponse à une question. Donc ce qui est probable, c'est que dans un futur proche, on sera capable d'interroger le génome de façon ciblée, et pas dans sa totalité, pour peut-être trouver effectivement ces éléments prédictifs qui sont avantageux pour l'individu, parce que son comportement modifié lui permettra effectivement de vivre mieux. Donc répondre à une question très précise. Répondre à une question très précise. Sans raconter toute l'histoire du génome. Sans raconter toute l'histoire, et surtout pas celle qui puisse juste être extrêmement délétère ou négative pour l'individu. Est-ce que vous avez envie de savoir que vous avez une maladie dégénérative qui va se dérouler dans 4-5 ans, qui va transformer votre cerveau en une éponge sur lequel il n'y a rien à faire ? Non, pas du tout. Voilà, et ouais. Je pense qu'assez peu de personnes ont envie de savoir ça. Quant au désir d'enfant parfait, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, pour ceux qui, si les miens m'écoutent, je dirais qu'ils sont parfaits. Oui. Et ils sont parfaits par hasard. Et c'est très bien comme ça. Donc c'est ma première réponse. Donc on peut avoir des enfants parfaits sans faire de l'eugénisme et d'essayer de les construire soi-même. Je trouve que ça, c'est une énorme dérive. On est en train de toucher le début du transhumanisme. On avait parlé déjà il y a 20 ans des banques de sperme de prix Nobel. Et qu'on allait prendre l'ovocyte d'une femme et les spermatozoïdes d'un homme et qu'on allait faire un super prix Nobel, etc. Je pense que ça, c'est une homogénéisation de nos sociétés vers ce qu'on pense être parfait. Aujourd'hui, le standard du parfait, c'est quoi ? C'est d'être beau, c'est d'être intelligent, c'est d'être grand. La France est très bien équipée au niveau éthique et peut-être un des pays les plus stricts, ce qui nous freine dans certaines de nos études, mais qui nous garantit justement de contrôler ces dérives. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Quand un patient nous confie, je pense que le mot confier, le verbe confier est important, nous confie un échantillon biologique, c'est fait dans le cadre d'une étude qui a été déclaré à des autorités de santé et à des autorités éthiques. Donc on est extrêmement contrôlé à la fois dans ce qu'on fait techniquement et dans le temps. On peut pas faire ça pour les 50 ans qui viennent. Donc le délai dans lequel on peut travailler est défini et ce qu'on fait est précisément écrit. Dans le cas par exemple d'un cancer de la prostate, on va effectivement expliquer à quelqu'un qu'on va séquencer sa tumeur à la recherche de gènes dont les mutations pourraient expliquer la raison pour laquelle il a son cancer. On lui dira que cette étude s'arrêtera en 2022 et qu'après 2022, nous ne pourrons plus utiliser ces échantillons sans lui demander son avis. Et il saura exactement où sont ces échantillons, ce qu'ils ont fait, et il pourra à tout moment donné sortir de l'étude. Et s'il veut sortir de l'étude, tout ce qui a été généré comme données à partir de ces échantillons sera détruit. Bon, et pour terminer, Jean-François Deleuze, j'aimerais que vous imaginiez pour nous la médecine dans 20 ans avec ce que vous savez. Je pense que ce qu'il faut absolument pousser collectivement, il faut que les patients aussi prennent pas leur responsabilité parce qu'ils la prennent, mais poussent dans ce sens-là, il faut absolument qu'on permette et qu'on rende le séquençage accessible à tout le monde le plus rapidement possible. Parce que c'est aussi, et le mettre dans l'hôpital, parce que si en faisant de plus en plus, qu'on va comprendre aussi comment on peut l'utiliser au niveau du soin. Donc je pense que dans 20 ans, on sera, en tout cas pour le cancer et les maladies rares, largement séquencés facilement en quelques jours, et qu'on commencera à comprendre comment son utilisation peut être faite pour les maladies communes comme la dépression. Et le rêve des chercheurs, quel est-il ? C'est de finir ce catalogue. C'est de fournir justement au monde médical et au monde des malades, effectivement, une opportunité de savoir pourquoi ils sont malades et qui sera une opportunité qui soit mieux traitée, effectivement, et mieux diagnostiquée. Si on prend l'exemple des maladies rares, il y a encore 3000 maladies qui n'ont pas d'étiquette moléculaire. Donc il y a beaucoup d'errance. Et on pourrait imaginer qu'avec quelques dizaines ou centaines de millions d'euros, on pourrait compléter ce catalogue. C'est aussi faisable pour le cancer probablement, ça sera beaucoup plus compliqué pour les maladies communes. Donc ce premier rêve, effectivement, c'est d'essayer d'étiqueter pour chacun la raison moléculaire pour laquelle il est malade. Et puis, deuxième phase, trouver les médicaments. Et deuxième phase, effectivement, trouver les médicaments, absolument. Merci à Jean-François Deleuze, directeur du Centre National de Recherche en Génomique Humaine à Évry. Cette émission, comme toutes celles de cette série, est disponible en podcast sur Internet. Tous les Saventuriers de l'été sont d'ores et déjà en ligne sur franceinter.fr. Stéphanie Texier réalise Les Saventuriers avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée Djoubaka. Romain Couturier de la discothèque de Radio France a aussi participé à cette émission. Au programme la semaine prochaine, Big Bang et Trou Noir avec Jean-Philippe Usan et Aurélien Barraud, deux formidables astrophysiciens. Très bonne fin de journée sur France Inter et à la semaine prochaine.